Ça continue. Ok. Yo. Tu vois que je me rends. Tu sais que c'est non. Ah ouais, tu sais que c'est non. Tu veux que j'arrête toutes mes bobos. Tu sais que c'est non. Tu veux que je tape pour ta maison de production. Tu sais que c'est non. What a le branlant dans ce putain de mouvement. Ben dis donc. Eh ouais, c'est un Z. Ok, ok, cool. Yo. J'arrêterai pas, ouais mon hip a chopé. Deuxièmement, j'dirai pas cette putain de phrase, j'aurais dû t'écouter. Troisièmement, t'es pas content, viens m'arrêter. Et ouais mon pote, j'en ai pas marre de compter toutes tes lettres aka les mandats, ouais d'arrêt. Comme des liasses de billets. Mais là les chiffres c'est que des peines qui m'attendent. Des gros jugements par défaut. Au fond mon pote, si je me rends, combien je vais prendre? Non plutôt, combien tu me donnes? 1 million, 2 millions, 3 millions. Je m'en bats les couilles de ton argent, de la renom. Ça ferait pas pour ta maison de production, aka ouais, la maison des espions. Allez, renvoie tous tes slogans. T'es pas content? Réunis tous ces cerveaux d'intelligents et va leur faire toutes tes belles réunions. Et n'oublie pas de leur faire toutes tes belles démonstrations. Comment m'abattre, comment me stop, et monte la barre de ton game jusqu'au top. Et ouais mon pote, t'es ma cédouille que j'ai coincée entre les dents. J'ai plus le choix, j'ai plus le temps. Je dois faire du fric, je dois faire du sang. Ouais, qui est trop trop loin de ce gros mouvement. Faut pas que t'oublies que j'suis condamné pour toutes ces rimes trop rentre dedans, pour tous ces tirs à bout portant. Et ouais c'est Raz, le terroriste de la chanson, qui continue ses bebons. Y'a trop de rimes, y'a trop de flow, y'a trop de sang. Ouais, ce genre de rimes, ce genre de sang qui fait trop peur à trop de gens. Qu'attendez-vous les super gens? Du sale voyou, de l'arrogant. Que je devienne fou, que je devienne méchant, parce que c'est vous qui tenez l'argent. Je m'en bats les couilles de vos agents. Allez taper vos rapports, allez chanter ma mise à mort. Quoi? Y'a rien qui se fait sans votre accord. Y'a rien qui sort sans votre accord. Mais moi je connais que le moyen du bord. Un gun chargé sur le tableau de bord. Le troisième doigt sur le rétroviseur. Et que de la zig trop hardcore. Et ouais mon pote, viens m'arrêter pour ma conduite trop hardcore, trop hardcore. Et ouais mon pote, allez remballe tous tes offres, tout en cash, tout en or. Quand je bouge la tête, c'est N-O-N tout en passant les rapports. Et ouais mon pote, je suis mort de rire de ce gros mouvement qui condamne dès que ça sort de leur beau décor, qui chantonne ouais les règles à plusieurs pour mieux abattre ces rappeurs qui ont plus le choix. mais juste le choix de faire la bombe sans les aides financières de vos assos ou de vos majors.